médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique, ou refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement, et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Thieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes, et bonjour aussi aux autres, bien entendu. Vous entrez dans Plus Fort J'entends Rien, Mag d'Actu Tout Terrain, en direct le mercredi à midi, rediff 19h, jeudi 8h. Et aujourd'hui au programme, j'ai envie de partager avec vous un mois de concert. Voilà, je vais vous présenter 12 ou 13 coups de cœur de concert du mois d'octobre à Saint-Étienne et ailleurs. Ça va aller un peu loin. Si vous les faites tous, vous allez passer un mois incroyable. Faut un petit budget parce que tous les concerts ne sont pas à prix libre à 5€, il faut bien le reconnaître, et qu'il y a des déplacements. Enfin bref, voilà. Et puis je vous demande pas de suivre l'intégralité de mes goûts dans votre vie, bien entendu. Mais avant tout ça, bien sûr, le coup de cœur de la semaine, double coup de cœur de la semaine, double sortie, priorité à la scène locale. On t'aime. Deux sorties donc en ce mois d'octobre qui nous ont été envoyées ici, et on va commencer par un Troublion de la Charbonnerie qui sort un nouveau EP, 4 titres. Il s'intitule Journey, il s'agit de Dub Mentaliste, ça sort sur le label Syrinx. 4 morceaux tout à fait dans le style du Dub Mentaliste, plus de ses prods que de ses mix, donc pas trop de drum and bass rapide, mais plutôt des instrus assez contrastés. Je vous propose d'écouter le 4e et dernier titre, il s'intitule Ghost. Voici Dub Mentaliste tout de suite sur le 895 de Dio. Dans la scène locale, il est pas très difficile en général à Saint-Étienne de faire une transition entre deux groupes. Là, elle est plus que toute trouvée, puisque Dub Mentalist, qu'on vient d'entendre, a fait pas mal d'instru pour un rappeur que vous connaissez bien. Il s'agit de Missy Eblodia. Et Missy Eblodia chante dans un groupe de punk assez lent qui s'appelle Pervers et Truand et qui sort un nouveau EP. Il s'intitule Niveau Zéro avec, il me semble, 5 ou 6 titres de mémoire. Une espèce de mix radio de l'ensemble de la carrière de Pervers et Truand et des individus qu'il compose, qui à mon avis vaudra largement le détour. En tout cas, j'avais envie aussi de parler des gens de l'ombre pour la sortie de ce disque, et notamment citer quand même pour l'enregistrement Monsieur OTH, qui officie souvent du côté des enregistrements autoproduits du studio Sauf Imprévu, et au visuel, le superbe artwork de Lashka, qui ne fait pas que tatouer et qui fait aussi de très belles pochettes et de très belles affiches. On écoute tout de suite le morceau le plus speed et le plus rapide du disque, pas forcément représentatif de cette lourdeur caractéristique de ces Pervers et Truands. Niveau Zéro avec ce morceau local qui avait déjà été, le texte avait déjà été sur une mixtape à l'arrache de Missy Eblodia, avec une petite case dédiée à Radio Audio dans l'intro du morceau. Ego Trip oblige, c'est donc la sélection de ce Pervers et Truand Niveau Zéro. Les histoires du coin du moins, c'est qu'ils font du bien. Je retiens les flingues, sont brûlées à la fin du carnaval. Pour bien la communauté, entre tiens, soit local. Des troupes bien la psyché, des fous qui viennent se lâcher. Y'a du monde sur les ondes de radio, tu es mission après mission, c'est pas dodo. Dans la pauvreté, dans la dépendance, par les libertés, toucher l'audience. Le ministère veut voir ça plus près, c'est lui qui tient le coup près. Il veut des preuves du succès, les soupes des sucrés. Faire en paix, faire voiture en air de fuite, faut les nerfs au cul, faut le faire en lutte. Dans un espace en restreint, le plus ancien du tremplin, le fouille dans l'école, le rendu folklore. Au plus d'abord, hommage à l'ouvrir le mort. La folie est globale, le produit est local, ma demeure principale, c'est mon encéphale. La folie est globale, le produit est local, ma demeure principale, c'est mon encéphale. La folie est globale, le produit est local, ma demeure principale, c'est mon encéphale. La folie est globale, le produit est local, ma demeure principale, c'est mon encéphale. Concentration, nous sommes appelés de concertation, ça parle concert, à fond de conserver l'action. En tête sur les tranchées, dans cette enquête de terrain, enquête de refrain, le slogan de sa thèse, de moment comme à la messe. Les ordres, faire de la connaissance, la médiance, la connivence, plus ça change, plus ça change. J'en connais les visages, la vérité de l'image, dans les mouvements d'un paysage, anticipe les virages, parce que c'est beau. Des effets mirages, à proximité des yeux, signaler des soins, limiter les yeux, cimenter des liens. Attache-moi un dessin, à toi un destin dans mes mains de ça. Tout va bien, tu mets ça, c'est moi une vie sans ça. A chaque jour, c'est protection, à chaque jour, c'est réclamation. Global, local. La folie est globale, le produit est local, ma demeure principale, c'est mon nom, c'est pas la folie est globale, le produit est local, ma demeure principale, c'est mon nom, c'est pas la folie est globale, le produit est local, ma demeure principale, c'est mon nom, c'est pas la folie est globale, le produit est local, ma demeure principale, c'est mon nom, c'est pas si si que ça se passe, certifié l'effet de masse, sous chapiteau vert, sous drapeau noir, les couleurs du repère, les douceurs du répertoire, réunis là en futur, tu sais qui tu sais quoi, je grandis là, y'a moins de fertile et faire ça, le référent, le pivot, les patrons, les locaux, les patrons, les locaux sont mes gens, mes héros, je suis pas un gars, tu vois, je suis un gars du milieu, après les groupes bien, bon, bon, tu vas au rythme des débats, des débats. Les états dans le car, la gare, le barreau, le parent de tu en voilà. En vertu des droits que nous n'avons pas, ça guérit si ça casse là. Je mourrais seul et ouais, tout le monde passe par là. La folie est globale, le produit est local, ma demeure principale, c'est mon encéphale. La folie est globale, le produit est local, ma demeure principale, c'est mon encéphale. La folie est globale, le produit est local, ma demeure principale, c'est mon encéphale. La folie est globale, le produit est local, ma demeure principale, c'est mon encéphale. Global local. Global local. Global local. Global local. Global local. We'll be right back. Et voilà, on va continuer légèrement par, à nouveau, de l'auto-promotion. Et après, j'arrête l'ego trip et on passe à cet interminable agenda concert que je vous ai concocté. Mais de l'auto-promotion pour la bonne cause, pour annoncer une date dont nous sommes fort happy. Il s'agit d'une soirée qu'on va vous proposer, Radio Audio, en compagnie de l'Aléatronome. Ça se passera le mercredi 30 octobre. C'est à la fin du mois, donc. Un grand bazar, 5 heures de direct, de radio, en public, de 19h à minuit, avec des émissions résidentes de l'Aléatronome, qui reste encore à concocter pour votre surprise, donc nous ne dirons rien. Des lectures, des mix, des créations originales en tout cas. Et à 20h30, nous invitons la compagnie Les Harmoniques du Léon. Du néon, pardon. Les Harmoniques du Néon. Pour un spectacle assez difficile à décrire. Il s'agit d'une performance, d'une émission de radio qui part en sucette sans vaudeville, mais plutôt qui se désagrège dans l'humour et dans le jeu au fur et à mesure de ce spectacle. J'ai eu l'occasion de le voir à Brest au Festival Longueur d'onde en janvier dernier. C'est à cette occasion-là qu'on avait discuté de l'éventualité de proposer ce moment un peu fou à Saint-Étienne. Le flou sur la langue, ça s'appelle, c'est basé sur un jeu de société qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et qui fait que tout devient de plus en plus étrange dans cette pièce radiophonique à laquelle il vaut mieux assister pour le côté théâtral et qu'il vaut mieux entendre pour éviter de se faire avoir. Une pièce de théâtre ou de la radio en direct, allez savoir. En tout cas, à cette occasion-là, eh bien, vous pourrez écouter ce spectacle, cette 1h20 de spectacle sur l'aléatronome.com, radiodio.org, le 89.5 FM, mais surtout venir découvrir de vos yeux et oreilles ébahis au 15 rue Henri Gonnard, on n'est pas loin de la place du peuple, au-dessus du parking des Ursules, vers les anciens Beaux-Arts, cet incroyable moment que on avait envie de vous proposer. La participation aux frais de la tournée de la compagnie s'élèvera à 5€. L'adhésion au lieu est à prix libre. Pour le reste, eh bien, je vous renvoie vers notre site et les canaux habituels de communication qui vont partir sous très peu. Et pour bien vous donner un petit peu une très légère idée de ce que nous allons proposer, je vous propose d'écouter 4 à 5 minutes de l'intro de ce spectacle auquel j'avais assisté à Brest, qui était diffusé sur Radio U, qui est une équivalence de Radio Universitaire, Radio Campus, un petit peu là-bas. Alors là, c'est le début de l'émission. On est encore dans quelque chose de relativement normal, mais tout reste à construire après. Mais je ne vais pas vous diffuser 1h09 de spectacle. Donc, intro donc pour vous allécher, le flou sur la langue sur le 89.5 de Dio. Il est 13h, vous êtes sur Radio U au sens 1.1 et c'est le moment de retrouver le flou sur la langue. Répondre à une question sans avoir un peu réfléchi, ben c'est pour moi quelque chose d'inconcevable, quoi. Alors, nous parlions de la place de la musique aussi. Les réponses les plus erronées viennent de ces questions très générales. Le cerveau est encombré d'images. Vous pensez à... Vous entendez des questions? Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est Calère, la survie? Quelqu'un peut ouvrir la fenêtre? La subdivision d'un groupe? Est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre? Anne-Laure Pigache. Mathias Forge. Le flou sur la langue. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue dans le Flou sur la langue, une émission de Radio Campus Grenoble qui s'invite sur les ondes de Radio U. Cette émission n'est pas en direct, mais elle est enregistrée dans les conditions du direct Et dans le studio, ici, il n'y a pas que l'équipe du Flou sur la langue. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler un public qui est venu observer la réalisation de l'émission. Donc, nous sommes installés dans le studio de danse du Quartz à Brest. Si vous connaissez cet endroit, vous pouvez peut-être nous y imaginer. Et autour de nous se déroule le festival Longueur d'onde. Mais pour vous, tout cela est du passé, car au moment où vous nous écoutez, nous sommes samedi 17 février. Il est 13h02 et je vous imagine en train de nous écouter depuis votre cuisine, votre salon, votre voiture. Ma voix est au creux de vos oreilles ou sur le haut-parleur d'un vieux transistor. Et moi, je suis ici, bien évidemment, en compagnie de Mathias Forge. Bonjour Mathias. Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Flou sur la langue. Édition pendant laquelle on aura l'occasion de rencontrer nos deux invités de renom, Élodie Hervier et Laetitia Andrieux, avec qui on passera évidemment une première partie d'émission pour déplier leurs questions respectives avant de retrouver le tant attendu défi chrono de Marie-Laure Dutrieux, défi chrono qui nous permettra de faire une petite pause musicale avant de retrouver l'anachronique de Anne-Julie Rollet, anachronique de Anne-Julie Rollet qui sert toujours de tremplin pour entamer le débat qui sera plus ou moins électrique suivant l'humeur de nos invités. Et sans doute ponctué par, j'imagine, Mathieu qui est déjà dans l'alentour en train de guetter une situation sur laquelle faire un point sur la situation qui servira de sceptre, pour ainsi dire, pour notre ami Grégoire Anton et son inénarrable oracle cassette. Une bonne soirée à tous et à toutes en notre compagnie. Si je dis qu'il faut devenir ce que l'on est, c'est probablement parce que je pense que je suis un être de temps et que je ne suis jamais à aucun moment tout ce que je puis être, que je ne suis pas maintenant tout ce que je peux être, que ce que vous voyez de moi et ce que je vois de vous en ce moment n'est pas tout votre être, ni tout le mien. Parce qu'en même temps, nous durons que je continuerai à exister en sortant de cette salle, et vous aussi, et à faire d'autres choses, et à voir d'autres gens. Eh bien, tout cela implique qu'aucun être n'est donné entièrement dans l'instant où il se déclare lui-même, et par conséquent, que tout l'être de l'homme ne figure pas dans un instant. Aucun être. C'était donc un extrait de ce Flou sur la langue, la compagnie Les Harmoniques du Néon, c'est-à-dire Anne-Laure Pigache, Mathias Forge, Anne-Julie Rollet et quelqu'un que nous connaissons bien à Saint-Étienne et à Radio Dio, en la présence de Johan Coste à la création sonore et à la régie son. Ce sera, je le rappelle, le mercredi 30 octobre. De 19h à 5h pour l'ensemble de la soirée de l'Aléotre Audio et du Duotronome en direct et sur place au 15 rue Henri Gonard. Et voilà, maintenant je vous propose tout de suite d'écouter énormément de musique, de recevoir énormément d'informations. C'est l'heure d'un gigantesque agenda concert sur le 895. Radio Audio, 89.5 FM. Et on va commencer par le commencement, car comme il y a beaucoup de musique au programme, j'ai décidé d'être sympa avec vous et de prendre les concerts par l'ordre chronologique. Je vous le dis aussi tout de suite, il y aura pas mal d'invitations à gagner, bien entendu. Et pour cela, eh bien, il y aura un numéro de téléphone, mais sachant qu'on a un vrai problème de messagerie, n'hésitez pas, si vous écoutez et qu'il est 19h ou 8h du matin, à bien penser, à plutôt demander des places par mail, pour l'instant, contact@radioaudio.org. Et si vous écoutez en direct, faites-nous le plaisir d'appeler au 04 77 438 895, notamment pour cette première proposition. Il s'agit d'une soirée qui, je trouve, porte fort mal son nom, à moins que je me sois perdu dans la sémantique. Ça s'appelle After Work Session, en tout cas il y a des consonnes et des voyelles un peu comme ça qui diraient ça, mais pourtant c'est une soirée qui va de 21h à 2h30 du matin, ce qui fait un sacré After Work quand même, il faut bien le reconnaître, surtout si vous travaillez le samedi. Vendredi 11 octobre donc, une grosse soirée dub au fil, du dub dans tout ce qu'il a de plus électronique avec du gros kick pour danser. Il y aura Tetra, Hydro, K, Mahom, Baku, Dub Engine, 4 live donc pour cette soirée c'est musclé. Je vais vous proposer un titre de Mahom, puisque c'est la sortie la plus récente, c'est sorti cet été, le titre Lacrymo notamment, dont je vous conseille le clip pour les personnes qui aiment ce qu'on appelle le Riot Porn. Riot Porn, c'est ces images d'émeutes, de manifestations, de CRS, etc. Que certains romantiques militantismes poussent des fois à regarder un petit peu pour se faire des sensations. Et bien là, c'est clairement un gros montage de charges de CRS sur des manifs, que ce soit à Sainte-Soline ou dans les Gilets jaunes ou à de nombreuses occasions. Pendant 4 minutes de ce morceau, plus que musclé, Mahom donc et Lacrymo, des places à gagner au 04 77 438 895 ou par mail contact@radioaudio.org. Thank you. Allez, on décroche donc pour cette soirée dub, et on va d'autant plus décrocher que vous allez vous rendre compte avec vos oreilles effarées que quand on prend un agenda concert d'un mois entier par ordre chronologique, eh bien on passe du tout au tout en termes d'esthétique sans transition aucune. C'est le cas quand maintenant on arrive au lundi 14 octobre pour honorer le 409e concert de La France Pue, que vous connaissez bien, qui officie un mardi sur deux à 21h sur ces mêmes ondes du Phoniesque, et qui nous proposera deux concerts pour un lundi. Et oui, un lundi, vous me dites, oh là là, un concert le lundi, c'est quand même mal commencé la semaine, c'est une grande balle dans le pied. Mais il n'y a que deux groupes, je vous rassure. Il y aura Bleakness qui vient de Paris pour assurer un punk plus que brutal, mais pas tout à fait inaudible quand même, rassurez-vous, oreilles sensibles. Et une tête d'affiche américaine qui vient de Portland, qui, pour moi, qui a un peu du mal avec le hardcore power violence crust, et quand même en général la ville du punk qui fait du bien à mes oreilles et qui politiquement est plutôt en général assez carton. Et là c'est bien Red Dawns qui sera accueilli sur la scène de la Gueule Noire. Ça sera entre 5 et 8 euros à la rue du Mont du côté de Bellevue, donc pour écouter ce groupe de Portland qui joue quand même depuis 2006. Ça n'est pas rien, ça n'est pas rien, ça n'est pas rien. Je vous propose tout de suite eh bien, une petite pensée quand même pour ces zones en conflit au Moyen-Orient. Il est bien de le garder un tout petit peu en mémoire, n'est-ce pas ? C'est pourquoi j'ai choisi le morceau Génocide, Red Dawns, Genocide, excusez-moi, Red Dawns, donc tout de suite, lundi 14 octobre à la Gueule Noire. Concert suivant, et vous allez voir que finalement, le manque de cohérence musicale de ce programme est tout à fait à l'image de la diversité de ce qui se projette et se programme à Saint-Étienne. On passe cette fois à un collectif dont j'avais envie de parler un peu plus, qui commence à sévir de manière plus que furieuse à Saint-Étienne, des personnes en général nouvellement arrivées ou revenues ou qui se sont accoquinées avec d'autres qui étaient déjà là. Enfin bref, il s'agit de Alignement Désastre. Alignement Désastre en deux mots donc, qui enchaîne les concerts depuis un an à peu près et qui ce mois d'octobre a programmé ni plus ni moins que 3 soirées. Je vais pas tout présenter dans le détail bien entendu, mais sachez qu'à la Gueule Noire le 16 octobre il y aura Auto Reverse, Fuck Damn et Pédéma Life. Le 17 octobre, dans une salle Arduf au premier étage, à gauche, au fond du couloir, il y aura Aragne, JM Rita et Audrey Poujoula. Et le 21-10, dans la même salle, Muons S, Mosquito Farms et Moineau Écarlate. Je vais m'arrêter sur cette date du 17 octobre et notamment sur le projet JM Rita, puisque derrière ce solo n'est autre que Joanne Mazé, qu'on a pu entendre notamment dans France Sauvage et dans LG, et que j'ai reçu et que vous avez entendu il n'y a pas si longtemps sur Radio Dio, puisqu'il faisait partie de ce projet Cabane qui a donné lieu à des ateliers d'écriture et des enregistrements de lettres pour les personnes incarcérées à la maison d'arrêt de la Talaudière. C'est lui qui avait fait le son de ce projet donc qui avait été diffusé. Je vais vous proposer un morceau assez expérimental de JM Rita en solo donc pour ce concert du 17 octobre. Et pour toutes les infos sur Alignement Désastre, je vous renvoie à leur réseau social Tout Bleu qui récapitule un petit peu l'ensemble des propositions. On passe à la suite et on continue l'éclectisme, on est toujours sur cette date et là, Cœur déchiré, il y a deux concerts à proposer, deux concerts de très très bonne facture. Faites votre choix. En même temps, on n'est pas du tout dans les mêmes esthétiques. Je pense qu'il y a des personnes qui vont être sensibles à l'une ou à l'autre. Jeudi 17 octobre, donc cette fois à 20h30. Eh bien, c'est du côté de la salle Le Fil qu'il y a un concert à ne pas rater. Si vous aimez tout le rock psychédélique venu d'Anatolie et notamment de Turquie, eh bien, je vous conseille Satellites qui a sorti l'an passé, me semble-t-il, un premier album éponyme sur le label Batov Records, qui sera de passage à Saint-Étienne pour eh bien, du groove rock psychédélique avec cette touche qui est imprégnée forcément de musique traditionnelle et notamment puisqu'il y a tout simplement le saz qui est un peu la guitare héroïque de la musique turque. Il y aura un DJ Selecta Bouchtat avant et après ce concert. Nous avons deux invitations à vous faire gagner pour Satellites, donc le 17 octobre à 20h30, que l'on écoute tout de suite avec le morceau Big Baglama sur le 895. Radioduo.org pour vos invitations. Radio 89.5 FM. Et maintenant, cher public de Radio Dio, eh bien sachez que je vous conseille d'aller À Lyon, eh oui, tout à fait. Enfin, plus particulièrement à Fézin, pour un événement qui est rarissime, je dirais, dans l'histoire du rock'n'roll, puisque là, je vous parle d'un groupe qui a 45 ans et qui a fait 2000 concerts dans 45 pays, tout en restant totalement indépendant et DIY, avec cette intransigeance politique qui fait leur image de marque et qui fait que, en fait, il y a un public ultra fidèle à ce groupe venu de Hollande qui s'appelle The X. The X, c'est une discographie gigantesque qui a énormément influencé de groupes de maintenant, mais même de groupes qui sont aussi légendaires, tels que Fugazi ou Sonic Youth, qui étaient cités régulièrement comme leur musique de cœur un petit peu. The X qui, depuis quand même plus de 15 ans, a changé de chanteur et continue à faire débat entre pour et contre ce nouveau chanteur qui ne s'arrêtera jamais, ce débat un peu comme pour ou contre l'autotune, il n'y a pas de solution. En tout cas, c'est à l'épicerie moderne que se jouera ce concert, c'est le 18 octobre que ça se passe. Si depuis 79 vous avez raté The X, c'est quand même l'occasion de vous rattraper largement, et pour ne pas rentrer dans le débat entre l'ancien et le nouveau chanteur, qui est aussi chanteur du groupe Zéa, ou Z, je ne sais jamais comment on dit, bien j'ai décidé de vous proposer un morceau extrait de leur album sorti en 2018 qui s'intitule 27 Passports, où c'est la batteuse qui chante, tout simplement. C'est ce qu'on appelle ne se prononce pas. Sure. autre concert et autre ambiance à nouveau. Et cette fois, je vais à nouveau vous proposer de vous éloigner un petit peu de Saint-Étienne pour aller vers une salle, c'est dommage que ce soit un peu loin, qui vraiment enchaîne une programmation super intéressante et vraiment riche et chouette. Ça se passe du côté de Riorges, les mardis du Grand Marais, où déjà depuis cette saison, il y a eu les Deluxe, groupe du Canada qui avait été partenariat Ferrarock en compagnie de Pilicoït. Il y a eu La Jungle en compagnie de Parquet, de super concerts donc, mais effectivement à 1h de Saint-Etienne. Allez à Riorges le mardi soir. Bon, voilà, vous voyez le délire. En tout cas, là, c'est quand même de la star. Et c'est pas tous les jours que je diffuse une personne qui est allée aux Victoires de la Musique, il faut bien le dire. Je l'aurais peut-être pas fait si des personnes de l'équipe sont encore plus fans de moi que moi, de cette personne. Il y a des gens qui aiment bien, et notamment pas très très loin, là, juste à côté. Il s'agit de Jacques, qui présentera son projet Vidéo Chose, donc à Riorges, le... Je m'y perds, 22 octobre. Vidéo Chose que j'avais eu l'occasion de voir au Transmusical de Rennes, qui est moins pop, mais plus un projet quand même assez électro-techno, avec des micro-caméras, beaucoup de manipulation pour ce live tout enchaîné et assez dansant. Ce n'est pas un extrait de Vidéo Chose que je vais vous jouer, mais un morceau qui est sorti cette année 2024, je dirais, qui n'est pas extrait d'un album, qui s'intitule Absolve, avec un accent anglais très Frenchy, qui souvent m'exaspère, mais là c'est tellement abusé que ça en devient drôle, et un morceau qui, à force de se répéter, se transforme sans même qu'on comprenne vraiment exactement ce qui se passe. Jacques, donc, en live à Riorges, les mardis du Grand Marais, le 22 octobre, et sur le 895 de Dio. Sponging all the bullshit beamed by the city, it became hard to hear from my heart. When I realized it wasn't too late yet, by the time that I talked, it was. All the tears that I cried, you were looking at it like it's water on Mars. All the words that I told you were looped inside of myself. Myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, we'll be right back. Jacques n'est pas qu'une coupe de cheveux, la preuve. Le concert suivant, on en est au 23 octobre. Eh oui, il reste encore une grosse semaine à couvrir sur ce mois d'octobre et ce plus fort j'entends rien consacré à ma sélection très subjective de concerts. Et là, c'est le plus gros déplacement et sans doute le plus coûteux que je vous propose. Mais un peu comme The X, c'est une icône du rock et de toute la musique d'ailleurs, puisque son dernier album n'est pas spécialement que rock, que je vous propose, il faut aller à Paris pour ça, à l'Élysée-Montmartre, le 23 octobre, pour le seul concert français de Kim Gordon bien sûr, qui donc a été la bassiste et chanteuse de Sonic Youth et qui a sorti cette année son deuxième album. The Collective est une vraie tuerie, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, quand on a plus de 60 ans et qu'on décide de défoncer la bass music, la trap, le punk et la noise en même temps, c'est quand même qu'on a vraiment la classe. Et c'est pour soutenir le festival Les Femmes S'en Mêlent, c'est la deuxième fois que Kim Gordon joue dans ce festival, pour renflouer un petit peu les caisses, car ce festival qui existe depuis des années, bien avant que la place des femmes dans la musique et la culture ne soit un sujet de société aussi discuter en tout cas que ça l'est maintenant, elle revient donc pour cette date unique pour présenter ce projet, ce concert. Je vous propose tout de suite d'écouter le morceau Trophies, extrait de ce dernier album, tout de suite sur le 8-9-5. Oreilles sensibles, ne pas s'abstenir. These are my trophies. Et voilà donc Kim Gordon et où la classe absolue. On continue dans ces concerts incroyables. Là, c'est un peu le moment que j'enchaîne où ça commence à coûter plus cher à votre budget. Et là, il faut retourner du côté de Lyon et à nouveau du côté de Fezzin, histoire de respirer cet air particulier et très adipeux que nous offre la raffinerie de Fezzin et ce total que nous ne saluons pas au passage. pour écouter, eh bien, tout simplement, Lucie Antunès dont j'ai pas mal parlé. Elle sera à l'Épicerie Moderne le 24 octobre en compagnie de Maud Geoffrey. Lucie Antunès, alors, je vous raconte un peu ma life aujourd'hui, hein, mais tant pis. C'est pas du tout pour la péter, mais que j'avais quand même, je pense, c'est un des meilleurs concerts de ma vie, parce que c'était aussi, et je suis pas le seul à le dire, dans la plus belle salle de concert de France, tout simplement. Il s'agit du Théâtre de la Mer à 7, un amphithéâtre sur un fort Vauban qui donne sur la mer, un site un peu incroyable, où j'avais eu l'occasion de voir ce trio de Lucie Antunès, percussionniste de formation classique, espèce de bête de technique complètement dingue, qui joue de la grosse caisse, du vibraphone et du marimba en même temps, tout en chantant, et qui, on comprend pas combien elle a de mains, de doigts, avec 18 baguettes de chaque côté, avec deux personnes à côté d'elle qui officient au clavier électronique, mais tout est joué en live par des instruments en direct, et un incroyable je sais pas comment ça s'appelle, une harpe métallique gigantesque de plusieurs mètres qu'on fait résonner avec un marteau, enfin bref, un concert qui vaut le coup d'être vu pour comprendre que cette musique n'est tout simplement pas composée sur un ordinateur. Je vous propose un extrait de son dernier album sorti sur le label Infiné. Il s'intitule Vous êtes parfait, vous êtes parfaite, et d'ailleurs, elle a tout à fait raison. Auditeur, auditrice de Radio Audio. Vous êtes parfait, vous êtes parfaite, vous êtes vous parfait, qui parle. Vous êtes parfaite, vous êtes parfait, vous êtes parfaite, vous êtes parfait, vous êtes parfaite. Sauvage. impertinent. Radio Dio. Radio Dio, 89.5 FM. Plus fort, j'entends rien. Spécial, les petits conseils des petits concerts. Et on arrive au 26 octobre, retour à Saint-Étienne. Et pour une fois, deux esthétiques qui, du coup, s'enchaînent un petit peu moins abruptement que ce qui s'est passé depuis le début, hasard du calendrier, puisqu'on reste dans la grande famille des musiques électroniques, même si les gens issus de la grande famille des musiques électroniques vont dire quand même que tout cela n'a rien à voir. Et je suis pas en désaccord du tout avec vous. Arrêtez de vous énerver. C'est du côté de la gueule noire que ce tram une soirée très proche de Radio Dio, puisqu'elle est organisée et montée par la sympathique équipe de La Charbonnerie, que nous saluons bien entendu, et qui officie tous les vendredis de 17h à 19h pour promouvoir la basse musique à Saint-Étienne sur le 895. Et c'est leur crew qui offrira des mix à cette soirée, aux côtés d'un projet belge qui descendra à Saint-Étienne pour l'occasion et qui a une basse musique plus que nerveuse et musclé. Il s'agit de Relapse qui, écoutez, à part vient de Belgique, en fait j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc je vais me taire et vous proposer le morceau Sonar, sorti tout récemment, et que vous aurez le plaisir de retrouver sur le 895. C'est à la gueule noire, donc 16 rue du Mont, il me semble de mémoire que ça coûte 5 balles, et c'est donc le 26 octobre. Calmez-vous un peu les chéris là. C'était Relapse donc, qui sera du côté de la gueule noire le 26 octobre prochain. Et on va se détendre un petit peu maintenant. On va prendre le temps 20 secondes de continuer ce mois de concert. Je dois dire que ça me fait plaisir de présenter des projets, des lieux et des orgas qui officient dans le secteur et un peu plus loin, et de vous proposer un petit peu ce florilège en camailleux de mon choix. Et là, je vais vous proposer notre concert. Alors, vous l'avez sans doute vu affiché partout dans les murs de la ville. Je pense que c'est le collage le plus massif du mois. Il y a un enjeu local, je pense, à ce que ça se booste. Il s'agit du groupe Les Mécanos. Les Mécanos, vous allez en entendre parler tout simplement parce qu'ils sortent leur premier album Usure sur le label LMA. Ce sera le 22 novembre prochain. Ils seront sur Dio, dans Démo des sons sensibles, mardi prochain, ce qui nous fait le mardi 15 octobre, interviewé par le camarade Lionel, et seront aussi au fil le 26 octobre, en compagnie de deux autres chorales polyphoniques, en l'occurrence Barout, polyphonie occitane et percussion, et Akatar, que l'on connaît bien aussi du côté de Saint-Thé, chant et percussion de Galice cette fois. Les Mécanos donc, et ce crew un petit peu des montagnes du Pilat et de la Haute-Loire qui nous gratifient de leur chant populaire et des percussions à molette. Nous avons des invitations pour ce concert: 04 77 438 895 ou contact@radiodio.org. Laissez bien vos noms, prénoms et coordonnées s'il vous plaît. On écoute un extrait donc de ce prochain album Usure. La 8e plage de ce disque s'intitule Compagnon, mais ça ne se prononce pas comme ça. César bien fiesto, jamais te maridaria. César bien fiesto, d'amour et souletto. César bien fiesto, jamais te maridaria. César bien fiesto, gardaria sa libertà. César bien fiesto, César bien fiesto, César bien fiesto, jamais te maridaria. César bien fiesto, l'amour est sous les flots. César bien fiesto, jamais te maridaria. César bien fiesto, gardaria ta libertà. César bien fiesto, jamais te maridaria. César bien fiesto, gardaria ta libertà. César bien fio, jamais fiesto, d'amour sous les tos. César bien fio, jamais fiesto, garda libertà. César bien fio, jamais fiesto, d'amour sous les tos. César bien fio, jamais fiesto, garda libertà. César bien fio, fiera jamais te, d'amour sous les tos. César bien fio, fiera jamais te, garda libertà. César bien fio, fiera jamais te, d'amour sous les tos. César bien fio, fiera jamais te, garda libertà. Sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, sabia, s liberta. Et nous arrivons à la fin du mois d'octobre, vous pouvez respirer, le fleuve des concerts va bientôt prendre fin, vu qu'on est un peu en fin de programme, je me permets de répéter donc que le 30 octobre, il y aura cette soirée proposée par Radio Dio et l'Aléatronome, au 15 rue Henri Gonnard, donc 5 heures de radio en direct, concoctée par les émissions résidentes de l'Aléatronome et la compagnie Le Flou sur la Langue, la compagnie Les Harmoniques du Néon, pardon, pour le spectacle Le Flou sur la Langue. Vous en entendrez parler de manière relativement répétitive, bourrine et complètement matraquée sur le 895 de Dio, bien entendu. Dernier concert du mois, tout dernier puisqu'il s'agit du 31 octobre, et c'est cette fois du côté du Solar, le temple du jazz stéphanois, que je vais vous proposer de vous rendre pour un concert qui n'est pas essentiellement jazz, mais le jazz est plus ouvert que certains et certaines ne le pensent. Et là, eh bien, c'est le retour d'une musicienne palestinienne qui, je pense, a marqué Saint-Étienne. En tout cas, beaucoup de gens, moi, avaient adoré ce concert il y a quelques années au Grand Luxe. Je ne sais pas si elle est revenue depuis. Il s'agit de Camilia Djoubran, donc chanteuse et joueur de oud, venue de Palestine, qui me semble-t-il réside en Allemagne, tant mieux pour elle ces temps-ci, et qui sera aux côtés d'une complice depuis plusieurs années en la présence de la contrebasse de Sarah Murcia, une figure très prolifique de la musique pop, jazz, improvisée, puisqu'elle a joué autant avec Rodolphe Burger, Higelin, Elysian Fields, Magic Malik, que Camilia Djoubran, donc une très belle musique, un duo acoustique épuré que je vous conseille et pour lequel j'ai, attention, une invitation, je dis bien une invitation pour le Solar le jeudi 31 octobre 0477 438 895 et contact @radiodio.org. Je propose tout de suite un morceau extrait du disque Apka de Sarah Murcia et Camilia Djoubran, sorti en 2017. Le morceau s'intitule Nouria sur le 895. عد القيود والستر اللي طاير بحفظ لعهود لما بيجي من عندك قاطع الحدود بعرف من رفة جنحو انه زعلان ميني وينك يا امي حطوا الحدود وكنت نسيتي اسمي اسمي محمود ما بعرف اشكي همي قدام جنود كله رفع بردي عامل سلطان بيني وبينك يا جدي شعلوا لي نار والنار اللي في قلبي ما بعدها صار بس الواحد يتشرد بيبقى كشار ما بعرف ضربه ولا اسمي محمود ما بعرف اشكي همي قدام جنود كله رفع بردي عامل سلطان. بيني وبينك يا جدي جعلوا لي نار، والنار اللي في قلبي ما عادها صار، بس الواحد يتشرد بيبقى كشاري ما بعرف درب وينها داير حيران. سارة مورسيا et Camélia Djoubran donc pour clore cet agenda concert du mois d'octobre. Je vais finir en musique, histoire d'être original, avec un des deux coups de cœur de la Ferrarock soutenue cette semaine. Je ne vais pas vous en préparer, présenter plus que cela, puisque je vous renvoie à l'émission Dig Dig Diggers, concoctée, oula, c'est la fin, concoctée par les différentes radios de notre fédération nationale, et en Belgique et au Canada. Dig Dig Diggers, diffusion à midi le vendredi, rediff à 19h et le lundi à 8h du matin. Et je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de L'Aventure, L-A-V-E-N-T-U-R-E, tout attaché, et du EP Mad Girl, autoproduit. C'est ça qui finira ce partage de musique que nous avons partagé, puisque beaucoup de partage sur le partage de duo. Écoutez, finissez bien, prenez soin de vous et de vos autres.